بسم الله الرحمن الرحيم. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter. Il y a un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud ou At-Tirmidhi ou غيرهم, selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-du'a huwa al-ibad. Ad-du'a, c'est l'adoration. Et puis après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu la parole d'Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Votre Seigneur a dit invoquez-moi. Astajib lakum. Je vous répondrai. Inna alladhina yastakbiruna an 'ibadati. Ceux qui s'orgueillent de mon adoration, ils rentreront en enfer. Un cours donné par le frère Sofiane Ibn Abdelhamid al-Jazairi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. C'est pour ça que le dua y'amal al-ajaib. Et nous, on est dans une époque où beaucoup de gens ont oublié le dua. Beaucoup de gens disent c'est vrai, le dua ça fait, mais on ne croit pas. A'udhu billah. Et on est dans une époque où les musulmans ils sont opprimés. Wallah, les musulmans ils sont opprimés dans le monde. فننصح المسلمين أن يدعون الله toujours tu fais du'a ونحن كذلك il faut qu'on fait du'a toujours. Fais du'a pour les musulmans qui sont opprimés, fais du'a pour tes parents, fais du'a pour les ulama, fais du'a pour tous les musulmans. أدعو الله دائما. انتبه que tu oublies Allah, انتبه que ça devient dans ton esprit j'ai plus de solution à faire. Là t'as toujours une solution. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah il dit ne soyez pas comme les gens qui ont oublié Allah. Fansahum anfusahum, Allah il leur a fait oublier eux-mêmes. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام, نتحدث اليوم عن الدعاء وعن فضائل الدعاء وفوائد الدعاء وشروط الدعاء وموانع الدعاء, وأخيرا نذكر بعض الأخطاء التي تقع في الدعاء. وقبل أن نشرع في الموضوع ينبغي لنا أن نعلم أن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله يقسمون الدعاء إلى قسمين اثنين, دعاء المسألة ودعاء العبادة. Donc inshallah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui on va parler des du'as. On va citer les mérites des du'as et on va citer aussi l'importance des du'as. On va citer les conditions des du'as, les erreurs que certaines personnes y font dans le du'as et les choses qui font que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les du'as. Et avant d'entamer le sujet, il faut savoir que les ulama comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, ils divisent les du'as en deux sortes de du'as. T'as ce qu'on appelle du'a al-mas'ala et t'as ce qu'on appelle du'a al-ibad. Du'a al-mas'ala, c'est le fait d'invoquer Allah, de demander à Allah directement. Famathalan, quelqu'un lève ses mains et dit Ya Razzaq, Rizqni, Ya Rahman, Irhamni, Ya Khayr al-Hafidin, Ihfadni. C'est une dua mas'ala que tu demandes à Allah directement. C'est pour ça que les ulama ils l'ont appelé dua mas'ala. Tas'al, tu demandes à Allah. Après, tu as ce qu'on appelle dua ou l'ibada. Dua al-ibada. Il y a le mot ibada, c'est-à-dire une adoration. Dua ou l'ibada, c'est que tu fais une adoration comme la salat, comme la zakat, comme as-siyam, comme le hajj, comme ghayr dhalik min al-ibadat. Et tu veux par le biais de cette adoration une demande. Tu pries pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne tes péchés. C'est-à-dire que celui qui fait cette adoration, il veut indirectement une demande. Si on questionne une personne qui prie, on lui dit « Nima la tussalli ». Il va dire « Moi je prie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne mes péchés. Je prie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fait rentrer au paradis. » Wa hakada. Donc on voit que cette personne qui fait cette ibada a demande par le biais de cette adoration à Allah une chose. C'est pour ça que les ulama l'ont appelé « Dua al-ibada ». Wa akhraj al-imam Abu Dawud wa l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Baghawi, عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ قبله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا الحديث حسنه شيخ الألباني وكذا شيخ مقبل الوادعي. يا حديث كانت رابورتي par أبو داود والترمذي وغيره selon نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-du'a huwa al-ibad. Ad-du'a, c'est l'adoration. Et puis après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu la parole d'Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Votre Seigneur a dit invoquez-moi. Astajib lakum. Je vous répondrai. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui s'orgueillent de mon adoration. Sayadkhuluna jahannama dakhiri. Ils rentreront en enfer. Il a été rapporté par Al-Hakim, an Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, annahu qala. أفضل العبادة الدعاء ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Il a été rapporté sur Al-Hakim, il s'en a dit صحيح كما قال الشيخ الألباني, que Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه il a dit la meilleure des adorations c'est le dua. Et puis après il a lu la parole d'Allah وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. C'est à dire l'ayah, il y a beaucoup de fawaïd. La première faïda qu'on retient de l'ayah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de l'invoquer. Hein? Ordonné de l'appeler. Ordonné de lui demander. Wa qala rabbukum ud'uni. Donc c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait. Et Allah il nous ordonne de l'invoquer. Et celui qui regarde dans le Coran, il verra que dans plein de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de l'invoquer. قال الله تعالى في كتابه العظيم واسألوا الله من فضله وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال وادعوه خوفا وطمعا وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال ادعوه مخلصين له الدين وادعوه مخلصين له الدين. Donc, celui qui lit le Coran, il verra que dans beaucoup de versets, Allah nous ordonne de l'invoquer. Donc, c'est un ordre d'Allah. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ حَتَّى صَحِبِ الْكِتَابِ صَحِبْ كِتَابِ نَضْرَةَ النَّعِيمِ نَضْرَةَ النَّعِيمِ, c'est une encyclopédie. Dans cette encyclopédie, il parle de dua. Et il cite que Allah, il a parlé de dua dans le Coran dans plus de 113 versets. Il parle Allah de dua. Donc, ud'uni astajib lakum, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne une chose, cette chose ça peut être qu'une bonne chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala la yamur bil fahsha. Allah jamais il va nous ordonner dans le Coran, ou là dans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils vont nous ordonner d'une chose qui est mauvaise pour nous. Allah il dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَنِي رَبِّي بِالْقِسْطِ. انظر هذا الفرس. الله يدي قل أي يا محمد قل يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشة. الله لا يأمر بالفحشة. Après il dit أتقولون على الله ما لا تعلمون. Vous dites sur Allah ce que vous ignorez. Vous dites sur Allah ce que vous ne connaissez pas. قل يعني يا محمد قل أمرني ربي بالقسط. الله m'a ordonné d'être juste. وقال ربكم ادعوني أرضغ الله سبحانه وتعالى. فالدعاء الله c'est un ordre qu'Allah nous a fait. Donc le dua c'est une chose qu'Allah nous a ordonné. Après il dit Allah dans le verset أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, je vous répondrai. Donc هذه c'est quoi? C'est un وعد من الله, c'est une promesse d'Allah سبحانه وتعالى à ses serviteurs que si il leur demande, ou bien si ses serviteurs ils lui demandent, Allah il va leur donner. Ud'uni astajib lakum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te promet une chose, ayyuhal muslim, sache que cette chose tu vas l'avoir. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il tient toujours ses promesses. Allah dit dans le Coran, Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Allah tient toujours à ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Thumma après, il dit Allah dans le verset, Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, sayadkhuluna jahannam adakhili. Ceux qui s'orgueillent de faire dua, imma dua, et huna al-murad, comme il y a dit le Shawkani, dua al-ibad. Ceux qui s'orgueillent d'adorer Allah, aina makanuhum, sayadkhuluna jahannam adakhili. Ils rentreront en enfer. وبعض العلماء يذكرون فوائد في هذه الآية كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية فوائد c'est que Allah ici il nous ordonne de faire dua et puis après il nous promet qu'il va nous répondre ça veut dire quoi ça veut dire qu'Allah il est موجود سبحانه ça veut dire qu'Allah il existe لماذا car si Allah n'existerait pas et c'est un rat على الملاحدة hein, c'est une réplique aux athées parce que si Allah n'existerait pas jamais nous aurait demandé de l'appeler de lui demander. Là, il y a une personne qui n'existe pas. Tu ne peux pas demander à une personne qui n'existe pas. Nestafid, an Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani. Wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum, thumma la yakunu amthalakum. Car une personne qui est faqir, la yud'a. Une personne qui est pauvre, on ne peut pas appeler, demander à une personne qui est pauvre. Wa nestafid min hadhihi al-aya, an Allah huwa al-sami' huwa al-sami' al-alim. لأن الأصم لا يدعى. Car celui qui n'entend pas, on peut pas le demander à une personne qui n'entend pas. On استفيد من هذه الآية كالله الكريم. فإن البخيل لا يدعى. Allah il est généreux car une personne qui est avare, on peut pas lui demander. On peut pas demander à une personne qui est avare. Une personne qui est avare, elle peut pas te donner une chose. On استفيد أن الله هو الرحيم هو الرحمن الرحيم. لأن القاسي لا يدعى. ونستفيد أن الله سبحانه وتعالى هو القدير بل هو على كل شيء قدير لأن العاجز لا يدعى وما أكثر الفوائد في الدعاء والدعاء c'est un سلاح c'est une arme وهذا الدعاء سلاح خطير والدعاء سلاح المظلومين أمام الظالمين والدعاء سلاح الضعفاء أمام الأقوياء Ad-du'a, c'est une arme. Et c'est une arme très très efficace face à n'importe quelle personne qui voudrait te faire du mal. Face à n'importe quelle personne qui voudrait te faire de l'injustice. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الله dans ce verset, il nous parle de قوم نوح. Nuh, alayhi salam, c'était le premier messager. Il a ahli l'ard. Hada Nuh, il est resté chez son peuple 950 ans. 950 ans de da'wah. 950 ans de patience. 950 ans d'endurance. Voilà qui son peuple et ma amanubi. Kadhabou. Ils l'ont démenti. Fanuh, après 950 ans de patience, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que son peuple, jamais ils allaient croire à son message. Hatta Allah, il va faire le wahi, comme quoi ton peuple, il n'y aura plus personne qui va te croire. Fanuh, il a dit, il a demandé à Allah de l'aider. Fada'a Rabbahu. Il a demandé à son Seigneur. Mada qal? Fada'a Rabbahu, anni maghloubum fantasir. Ya Allah, ils m'ont vaincu. Ya Allah, ils m'ont battu. Ya Allah, je suis faible face à eux. Fantasir, aide-moi. Yani, il a fait du'a à Allah. À son peuple qui était kafirin, à son peuple qui était zalimi, à son peuple qui lui ont désobéi et qui lui ont fait du mal. Famada qala Allah? Qala Allah isma' ila kalamillah. Fafatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusr tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سبحانه وتعالى الآن il nous parle de قوم نوح il dit qu'il les a exterminés et châtiés jusqu'à qu'il restait plus personne de قوم نوح pourquoi بسبب ماذا بسبب شركهم وبسبب طغيانهم وعصيانهم لكن c'est quoi qui a fait que Allah il a exterminé le peuple de نوح c'est le dua Ad-du'a, il fait l'ajaïb. Ad-du'a, c'est une arme très très très très très khatir, très dangereuse pour celui qui sait la maîtriser. Pour celui qui sait la maîtriser. وكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول رب رجل صالح يهلك دولة بالدعاء. Cheikh Mokbel disait une belle parole, il disait qu'une personne pieuse a pu exterminer un peuple en entier bimada bid-du'a. Fad-du'a ya'malu al-ajaib. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran souvent il parle de du'a. Et souvent il nous montre comment al-anbiya ahlaku qawmahum. Moussa alayhi salam, il a fait du'a sur Fir'aoun, Allah ahlaka Fir'aoun. Et j'ai un hadith sahih, fi sahih muslim, qissat Jurayj. Hadith où il parle de qissat Jurayj. Jurayj c'était wahad min bani Israël. Kana rajulan salih. Un jour, comme Jurayj, le peuple de Jurayj, il se mettait à Hakara, il parlait dans la rue de ibadat Jurayj. Il racontait comment Jurayj il était. Enfin, certains disaient Jurayj, c'est quelqu'un de pieux. L'autre, il disait Jurayj, c'est quelqu'un, souvent, il fait siyam. L'autre, il disait Jurayj, souvent, il fait la prière, la nuit. Fa, une femme, elle est passée devant eux. Voilà, une mar'a, c'était une femme, riya, khabitha, une femme très perverte. En entendant, Haoula qui parlait de Jurayj, elle a été jalouse. Et elle s'est dit, elle leur a dit, c'est qui Hala Jurayj? L'on dit Jurayj, c'est quelqu'un de pieux de Ben Israël. Fa, cette femme, elle a été jalouse. Ils sont jaloux de Ahlul Khayr. Les mauvaises personnes, ils n'aiment pas les bonnes personnes. Les malades, parce qu'ils sont jaloux d'eux. Cette femme, elle était jalouse de Jurayj. Elle aura dit, moi, yani Anna, je vais essayer de ftan Jurayj. Je vais essayer de séduire Jurayj. Cette femme, elle s'est maquillée, elle s'est parfumée, elle s'est coiffée, elle est sortie. Elle a attendu que Jurayj sorte de chez lui, et puis après elle est passée devant lui. Mais Jurayj, c'était quelqu'un de pieux. Jurayj, il savait que quand tu vois une femme, tu baisses le regard et tu ne regardes pas les femmes. Fahadi al-Mar'a, elle est passée devant Jurayj, Jurayj il l'a regardé, il a baissé la tête. Et hada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, laka al-oula wa laysa laka al-thaniya. Le premier regard, yani si tu fais un regard sans faire exprès, hada, il est permis. Lakin le deuxième regard, huwa muharram. Fa Jurayj il a baissé le regard. Et il a fait son chemin. Hadi, cette femme, quand elle a vu ça, elle a été choquée. Elle s'est dit, comment ça se fait, Anna? Jurayj, il passe devant moi et il ne me regarde même pas. Enfin, elle a été choquée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir un ra'i ghanam, quelqu'un qui est un berger. Elle a fusillé avec ce berger jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. 9 mois après, Hadi, cette femme, elle a accouché de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir Ben Israël, les jeunes qui parlaient de Jurayj. Elle leur a dit, regardez cet enfant, je l'ai eu avec Jurayj. Ils ont dit petit là. Elle est partie voir les jeunes de Ban Israël. Elle leur a dit, l'enfant que vous voyez, hada, eh ben, je l'ai eu avec Jurayj. Que vous vous dites, c'est quelqu'un de pur, regardez ce qu'il a fait avec moi. Fahaoula Ban Israël, quand ils ont entendu ça, ta'ajab. Ils ont été pris de colère. Et kan al-matloub minhum, qu'est-ce qu'ils devaient faire normalement? Ils ne devaient pas croire cette femme. Parce que hadi, cette femme, c'était une femme fasiqa. Et Allah, il nous dit dans le Coran, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah nous dit que quand une personne vient et cette personne elle est fasiqa, on doit faire attention à son information. On doit vérifier cette information. وإلا on risque de faire du mal. فهؤلاء ils n'ont pas vérifié l'information de cette femme, ils l'ont cru. ماذا عملوا? Ils sont partis voir Jurayj. Ils ont pris l'enfant, ils ont pris la femme, ils sont partis chez Jurayj. En entrant chez Jurayj, ils ont cassé sa porte. Regarde, ils ont cassé sa maison. Ils ont dit, ah Jurayj, nous on croyait que tu étais quelqu'un de pieux. Entends ce que tu as fait avec cette femme. Enfin Jurayj, il ne savait même pas ce qu'il lui reprochait. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont dit, on sait que tu as fait zina avec cette femme. Ta'oudhu billah. Envoie les salihin, il est chez lui tout seul. Il fait du mal à personne. Là, le mal, il vient jusqu'à ta porte. Ils ont dit, ah Jurayj, on sait que c'est toi qui as fait zina avec cette femme. Et cette femme a dit que c'est toi qui as fait zina avec elle. Imagine-toi, mets-toi à la place de Jurayj. Ils viennent, ils t'accusent. Ils sont plus que toi. Ils sont plus forts que toi. Ils sont plus nombreux que toi. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? T'as qu'une seule chose à faire. C'est que t'as de Allah. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجريج il leur a dit laissez-moi faire salat. Non, tu fais salat. Tu veux faire salat, fais salat. فجريج صلى ودعا الله سبحانه وتعالى. Il a fait dua. ثم بعد ذلك il a fini de faire salat. Il est parti voir هذا l'enfant. Il a dit où le bébé. On dit le bébé là. طعن الغلام بأصبعه في بطنه. Jurej, il a pris son doigt, il l'a posé dans le ventre de l'enfant. Il lui a dit, Ya Ghulam, man abouk. Là, il parle à un enfant qui vient de naître. Il lui a dit, Ya Ghulam, man abouk. Fal Ghulam qal, abi, huwa ra'i. L'enfant, il s'est mis à parler. Il a dit, mon père, c'est le berger. Et hada, c'est un min karamat al-awliya. Et hada, le hadith, comme je vous ai dit, il est dans Sahih Muslim. Hadith sahih fi Sahih Muslim. Hada, c'est un dalil min karamat al-awliya. Jurayj, c'était pas un prophète. Jurayj, c'était pas un messager. Là, c'était quelqu'un de salih. Il a fait du'a, Allah, nassarahu. Allah, il a fait des miracles. Il a fait des karamates. Enfin, l'enfant, il s'est mis à parler. Ben, Israël, quand ils ont vu ça, ils ont été choqués. Ils ont dit, ah, Jurayj, on savait que t'étais quelqu'un de pur, en fait. Andor, kif salihin yubtalam. Et andor, comment Allah, il te répond quand tu fais du'a. C'est pour ça que du'a, y'amal al-ajaib. Et nous, on est dans une époque où beaucoup de gens ont oublié le dua. Beaucoup de gens disent c'est vrai, le dua, ça fait, lakin, on ne croit pas. Et on est dans une époque où les musulmans, ils sont opprimés. Wallah, les musulmans, ils sont opprimés dans le monde. Kathir min al-kafirin, alayhim la'natullah, min al-yahouda wa al-nasara, yadlimouna al-muslimin. Fananssah al-muslimin an yad'ouna Allah. Toujours tu fais le dua. Wa nahnu kadhalik, il faut qu'on fait le dua toujours. Fais le dua. Pour les musulmans qui sont opprimés. Faites du'a pour tes parents. Faites du'a pour les ulama. Faites du'a pour tous les musulmans. Ad'u Allah. Daïman. Intabé que tu oublies Allah. Intabé que ça devient dans ton esprit. J'ai plus de solution à faire. Là, tu as toujours une solution. Wala takounu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaikahum ulfasikhoun. Allah dit ne soyez pas comme les gens qui ont oublié Allah. Fa'ansahum anfusahum. Allah il leur a fait oublier eux-mêmes. Si tu délaisses les ordres d'Allah, tu oublies Allah, Allah il va te délaisser. Fantabi, antens Allah. Wajah hadith fi Sahih al-Bukhari. Hada al-hadith il est fi Sahih al-Bukhari, il est venu kadhalik fi al-Musnad l'imam Ahmed. Qissat Sarah ma'a Ibrahim. Ta'rifuna inna Ibrahim, alayhi salatu wa salam, hajara ma'a mra'atihi Sarah. Il a fait l'hijra. Et dans le chemin de son voyage, il est passé auprès d'un roi. Hada, ce roi, c'était un roi mujrim, dhalim, tari, il faisait du zulm. Il a entendu qu'Ibrahim il allait passer. Et il savait qu'Ibrahim, alayhi salam, il avait avec lui une femme. Et Sarah, il y a que c'était une femme très belle. Fahada, le roi, il voulait prendre Sarah. Il a envoyé son armée pour prendre Sarah. Et Ibrahim, alayhi salam, il était âgé, il ne peut rien faire. Et Sarah, c'était une femme, elle ne peut rien faire devant une armée, tu ne peux rien faire. Enfin, ils l'ont pris chez le roi. Enfin, ils l'ont fait rentrer chez le roi. Enfin, le roi, il est rentré avec Sarah dans la chambre. Il s'est approché d'elle. Qu'est-ce que tu peux faire? Sarah, elle savait qu'il y avait Allah. Et elle savait qu'Allah, toujours, il répond au dua. Fada'at Allah. Elle a fait le dua. Ya Rab. Fama'da hasal. Hada le roi. At-Tariya. Quand il s'est rapproché de Sarah, alayhi salam, on dit alayhi salam, mais c'est pas un prophète. Ça n'existe pas les femmes prophètes. Là, on dit alayhi salam, là, bas. Fait quand le roi il s'est rapproché de Sarah, Sarah a refait du'a. Fait le roi il a été paralysé. Thumma ba'da dhalik, Sarah elle a vu que le roi il a été paralysé. Elle a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a exaucé son du'a. Fait khafat. Elle s'est dit dans sa tête, si le roi il meurt, son peuple, ils vont me faire du mal. Ils vont me dire que c'est moi qui ai tué leur roi et il risque de me faire du mal. Fasara l'a fait du'a, elle a dit, Allah, laisse-le. Thumma ba'da dhalik, le roi il est redevenu normal. Thumma ba'da dhalik, le roi il s'est rapproché d'elle. Sarah l'a fait du'a, le roi il était paralysé une deuxième fois. Thumma ba'da dhalik, il a fait ça la troisième fois. Et à la fin, le roi il a vu que Sarah. Il y avait quelqu'un qui la protégeait. C'est qui? C'est Allah. Wallahu khayrul hafidha. Wallahu khayrul hafidhin. Fahuwa khayrul hafidhin subhanahu wa ta'ala. Fallah hafidhaha. Wa kadhalika anta ayyuhal muslim. Si tu fais du'a, Allah va te protéger. Fathumma ba'da dhalik, le roi il a délivré Sarah, il l'a fait sortir. Il lui a donné avec elle Hajar. Thumma ba'da dhalik, il y avait Ibrahim alayhi salam, que lui aussi il était seul. Il faisait du'a. Ya Rab, Ya Rab. Il a vu Sarah derrière lui. Elle est venue avec Hajar. On voit le dua, qu'est-ce qu'il fait? Al-Ajaib. Et là, moi j'ai cité ce hadith, Hamdan. On a ramé le dalil du Coran avec nous. Après, on a ramé le dalil d'un homme qui n'était pas prophète. Parce que ça se peut que quelqu'un va dire non, ça c'est khas pour les prophètes. On dit là, c'est pas khas pour les prophètes. Et le dalil, c'est le hadith qu'on a cité dans Sahih Muslim, Qissat Juraïj. Et là, on a cité une histoire avec qui est venue dans Sahih al-Bukhari, Qissat Sarah. C'est pas une femme, elle nous dit non, ça c'est khas pour les hommes. Là, c'est pour les hommes, les femmes, les enfants. N'aime les enfants. C'est venu le hadith dans Sahih Muslim. Comme quoi il y avait un enfant. Hadha, cet enfant, c'était quelqu'un de salih. Et il avait du'a mustajab. Allah lui acceptait son du'a. Ça, les gens malades, ils venaient le voir. Et lui faisait du'a. Il demandait à Allah qu'il guérissait ces personnes. Et Allah, il guérissait ces personnes. Avec le du'a. La seule condition qu'il donnait, c'est qu'il disait à la personne, si tu veux que je demande à Allah qu'il guérit, et bah crois en Allah. Et le hadith est dans Sahih Muslim. Kadhalik l'imam Nawawi l'a cité dans Riyad Salihin. Thumma ba'da dhalik, un homme, il est venu voir. Il lui a dit à Ayyuha al-Ghulam, si tu arrives à me guérir, yani cette personne a été aveugle. Il lui a dit, si tu arrives à demander à ton Seigneur qu'il me guide, et bah je te donnerai kada min al-amwal. L'enfant lui a dit, non, moi je te fais du'a. À condition que tu crois en Allah. Si tu crois en Allah, mon Seigneur et ton Seigneur, eh ben je demanderai à Allah qu'il te guérit, et Allah, Inch'Allah, il va te guérir. Fa, la personne, elle a dit, d'accord, moi je crois en ton Seigneur. Fa, al-Ghulam, da' Allah, il a fait du'a. Et Allah, il a donné la vue à cette personne. Fa, la yadhun al-dhan, anna hadha si khas pour les anbiya. La, hadha si am. فالدعاء يعمل العجائب والدعاء سبب من أسباب الشفاء الله يذكر في القرآن أن أيوب كان مريضا أيوب عليه السلام إلى في الدعاء الله الأكيري وهكذا القصة الغلام الآن في جنسيته سين دليل كالدعاء سي من أسباب الشفاء والدعاء سي من أسباب كالله سبحانه وتعالى يعطيك ذرية صالحة. الدعاء من أسباب pour que Allah subhanahu wa ta'ala il donne des enfants. تعرفون كثير من الناس الآن ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils sont imma stériles, imma ils sont vieux, imma plein d'aspects qui font qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous cite قصة Zakaria et قصة Ibrahim. Zakaria ou Ibrahim, ils avaient un point commun. C'était quoi le point commun? C'est que ces deux prophètes, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Zakaria, il a fait du'a. Il a fait du'a, Ya Rab, rzuqni waladan saliha. Allah cite l'histoire dans Surat Maryam. Surat Maryam, Iqra, Surat Maryam, de la première safha, Allah il parle de Zakaria. Comme quoi il n'arrivait pas à avoir d'enfant, il a fait du'a et Allah il lui a donné un enfant, Yahya. Wa hakada Ibrahim. Allah il nous parle d'Ibrahim qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Famada amila Ibrahim, il a fait du'a. Il a fait du'a après qu'il avait déjà fait l'asbab. Un tabi, le wahid, si les enfants de l'Iyya Salih, il faut qu'il fasse l'asbab. Ou l'asbab, ils sont ma'roufs. Fa Ibrahim, il a fait l'asbab, lakin Allah, il n'a pas donné d'enfant. Fa mada amila Ibrahim, il a fait du'a. Il a fait du'a à Allah, Ya Allah, rzuqni waladan salih. Fa Allah, il lui a donné un enfant. Et Allah, il nous cite l'histoire dans Surat al-Dhariyat. Qala Allah Ta'ala, Hal ataka hadith d'ayfi Ibrahim al-Mukramim, iddakhalu alayhi faqalu salama. قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله سين بعض القصة إبراهيم. يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ أسكت الاستوار إبراهيم تبرون يعني الآن يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا في الأفان الإستوار تقرأونها في سورة الداريات avec la traduction لمن لا يفهم العربية. À la fin, il y a deux anges qui sont venus qu'Allah il a envoyés sous la forme des êtres humains. Enfin, Ibrahim, quand il a vu ces anges, il a été généreux avec eux. Il leur a posé ijlan samin, yani à manger. L'ijl, c'est le veau, un veau bien gras. Ijlan samin. Faqarrabahu ilayhim, il a posé devant eux. Thumma qala lahum ala ta'kulun, vous ne mangez pas. Enfin, il a vu que ses invités ne mangent pas. Enfin, Ibrahim, il a été étonné. C'est pas normal qu'un invité il vient chez toi, il ne mange pas. Enfin, Ibrahim, il a eu peur. Faoujasa minhum khifa. Thumma mala qalu la takhaf. Ses invités, quand ils ont vu qu'Ibrahim, il avait une angoisse, une peur, ils ont dit la takhaf. Yani, n'aie pas peur, Ibrahim. Wa basharuhu bi ghulamin 'alim. Et puis après, ils ont annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Ghulam 'alim. Un enfant qui a de la science, un enfant savant. Ghulam 'alim. Fa Ibrahim, quand il a été informé de cette grande nouvelle qui était d'avoir un enfant, après de nombreuses années d'attente, après de nombreuses années de patience, après de nombreuses années d'endurance, il est parti voir sa femme. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajha. Quand sa femme il lui a annoncé cette nouvelle, tellement qu'elle a été choquée, elle a frappé son visage. Fa sakkat wajha. وقالت عجوز عقيم. Elle dit, je suis vieille et en plus de ça je suis stérile. Après les malaïka, les deux invités à Aula, c'était des malaïka. لأن الملائكة لا يأكلون. هذا c'est un délit que les malaïka لا يأكلون. كما يقول ابن كثير. قالوا كذلك. يعني الملائكة ils ont dit à la femme d'Ibrahim, كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سبحان الله العظيم. فهذا c'est من أسباب كالله سبحانه وتعالى يعطيك ذرية صالحة مع الأسباب طبعا. والدعاء سمن أسبابك الله سبحانه وتعالى يهديك. سلوك في الهداية عليه بطاعة الله واجتناب ما نهى عنه رب العالمين. سلوك في الله يجيد يفك درس البشي. سلوك الله يفك يجيد يفك لبي الله يا صبخفت. وكذلك يفك يدعو الله دمض الله يجيد. Allah nous a ordonné de faire cette dua. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Tous les jours on fait cette dua. Lakin kathir min nas, ils sont ghafilin. Ils sont distraits sur cette dua. Fala, ud'u Allah qu'Allah guide. Ud'u Allah qu'Allah guide dans le chemin, le vrai chemin. Le chemin de la droiture. Le chemin haq. Ud'u Allah. Voilà celui qui fait des péchés. À chaque fois, il demande à Allah qu'Allah il lui pardonne. Et puis après, il retombe dans ses péchés. Ud'u Allah qu'Allah yuthabbituk. Qu'Allah donne la force de l'adorer comme il faut. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne la patience de l'adorer. Demande à Allah qu'Allah il préserve toi, ta famille, tes enfants. Yu'atik dhurriyatan salihah. Ud'u Allah. Intabih, ayyuhal muslim. Que tu oublies le dua. Kathir min al-nas yansawna al-dua. La tansa al-dua. Ud'u Allah da'iman. Ud'u da'iman. Wad'u rabbakum tadarru'an wa khufya. وادعوه مخلصين له الدين ولكن يا اخوان الدعاء il y a des conditions et la condition c'est la chose par laquelle l'acte il devient valable. فمثلا الان si je dis personne il rentre à la mosquée sauf si il est musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucune personne il pourra rentrer à la mosquée si il n'est pas musulman. Enfin, si tu es musulman tu peux rentrer, si tu n'es pas musulman tu ne peux pas rentrer. هذا هو الشرط. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et كذلك في السنة il nous a montré les conditions qu'il y a dans le dua. Si tu fais cette condition, Allah va accepter ton dua. Si tu ne fais pas cette condition, Allah ne va pas accepter ton dua. La première condition, c'est l'ikhlas. L'ikhlas, c'est la sincérité. Hadahu l'ikhlas. Tu es sincère avec Allah. C'est que tanwi bi'amalika wajh Allah. Tu fais par l'action que tu la fais pour Allah, pour le visage d'Allah. Tu fais cette action pour avoir la récompense d'Allah. Pour avoir la satisfaction d'Allah. Tu veux qu'Allah soit satisfait de toi. هذا هو الإخلاص. لا تنظر إلى فلان أو علان. Tu fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, si tu veux qu'Allah il accepte ton dua, il faut qu'il soit مخلص. قال الله تعالى فادعوه مخلصين له الدين. Demandez-lui avec sincérité. Tu vois, Allah il a mis comme condition la sincérité. وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Donc Allah dit dans ce hadith Qudusi, on appelle aussi le hadith al-Rabbani, qui est sahih, qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, que celui qui associe dans son action n'importe quel que soit, celui qui associe à Allah quel que soit, Allah il n'accepte pas cette adoration qu'il fait. Il le délaisse, lui et cette adoration. فَالْإِخْلَاسِ شَرْطٌ فِي الدُّعَاءِ. Et dans n'importe quelle adoration, il faut toujours l'ikhlas. Ou le musulman, il doit toujours faire attention à l'ikhlas. Chaque parole que tu dis, fais attention. Est-ce que tu l'as fait pour Allah ou là tu l'as pas fait pour Allah? Si tu l'as fait pour Allah, alhamdulillah. Si tu l'as pas fait pour Allah, demande à Allah qu'il pardonne. Car Allah il va châtier celui qui fait du shirk. Et celui qui fait du shirk al-akbar et il meurt en faisant le shirk al-akbar, tahuwa fi an-nar. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله il pardonne pas à une personne qui meurt en faisant du shirk. C'est pour ça que le musulman il doit faire très attention au shirk et il doit apprendre le tawhid pour pas tomber dans le shirk. فالشرك خطير والشرك خطير وهو أعظم الظلم وأعظم ما نهى عنه سبحانه وتعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Enfin, la première condition pour que du'a soit accepté, c'est l'ikhlas. Deuxième condition, c'est l'ittiba'. Et on va citer à la fin du dars certaines façons de faire du'a qui sont mubtada'a. Comme par exemple le fait de faire du'a en groupe, après chaque prière. C'est une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. De faire du'a en groupe. Naam, c'est venu, fi salat l'istisqa. La prière, quand tu demandes la pluie, ah là, parce que tu fais ça, tu fais du'a en groupe. Ah, quand c'est venu, fais salat al-tarawih, là, parce que l'imam fait du'a, ou un tatakul amin, ah là, parce que. Comme ils font certains musulmans, après chaque prière, ils font du'a en groupe. Ou là, maintenant, s'ils sont invités, fi walima, ou fi mathalan, fi aqiqa, qu'est-ce qu'ils font à chaque prière, après qu'ils ont mangé, ils lèvent la main et ils font du'a en groupe. C'est une dua mubtada'a. Et Allah il n'accepte pas cette dua. Pourquoi? Parce qu'elle est mubtada'a. Et on a dit parmi les conditions qu'Allah il accepte dua, c'est l'ikhlas. La deuxième condition c'est que al-ittiba'a. C'est-à-dire suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama ja'a fi hadith an Aisha man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd. Et fi riwayah man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Donc c'est la deuxième condition, c'est que cette dua soit faite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Voilà, c'est une condition aussi pour toutes les adorations. As-salat, as-zakat, as-siyam, al-hajj, as-sadaqa. Chaque adoration, il faut ces deux conditions. Al-ikhlas wa al-ittiba'. Et avant ça, na'am, al-ikhlas wa al-ittiba'. Kadhalik, min shurut ad-du'a al-azm wa al-jadd. C'est-à-dire que tu fais du dua avec constance, régularité. La tastaajil fi l'ijaba. C'est pas tu fais du dua, tu dis après mon dua, il faut qu'Allah il me réponde directement. Là, tasbir. Tu fais du dua avec patience. Et tu es sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te répondre. Kadhalik min ash-shurut, c'est que tu sois sûr, tu as l'yaqin. Et l'yaqin, c'est ilmun thabit, la yazal wa la yatazalzal. L'yaqin. Tu fais du'a et tu es sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va te répondre. Limada, parce qu'Allah c'est le ghani. Al-an, si une personne, min al-makhluqat, il vient te voir et dit ya fulan, si tu as besoin de n'importe quelle chose, viens me voir, demande-moi. Hak, prends mon numéro de téléphone, appelle-moi à n'importe quelle heure, inshallah je serai là. Cette personne, ça se peut qu'un jour il meure. Cette personne, ça se peut qu'un jour il soit malade. Cette personne, ça se peut qu'un jour tu as besoin de lui, mais à 2h du matin, cette personne elle est en train de dormir. Ça se peut qu'un jour tu as besoin de cette personne est occupée. Limada, parce qu'il est daif. Ça se peut que tu as besoin de quelque chose, cette personne elle est incapable de te la donner. Et ça se peut que cette personne, un jour, elle soit fatiguée, elle dit khalas, moi je t'ai demandé et c'est bon. Il y en a qui demandent à quelqu'un d'autre. Walakin, ça c'est fait le makhluqat. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de lui demander. Ud'uni. Et puis après, il t'a promis qu'il allait te répondre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le ghani. Wallah, il dit dans le Coran, Wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le malik. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shayin qadir, il est capable de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun la yamut, il ne vit jamais, il va mourir. Jamais il dort, Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah, il dort jamais. Anta, tu peux appeler Allah, tu peux demander à Allah à n'importe quelle heure. Tu peux appeler Allah à n'importe quel moment de la journée. N'importe quel endroit. Amel makhlouqa, tu peux lui demander, ça se peut qu'un jour ton téléphone ne marche pas, tu ne peux pas l'appeler. Ça se peut que son téléphone ne marche pas, tu ne peux pas l'appeler. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, min fawqi sab'a samawat, il est qarib mink, il est proche de toi. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, min fawqi sab'a samawat. Il t'entend, il te voit, et il te répond, et il donne ce que tu veux. Wa idha sa'alaka ibadi anni, sahaba ils ont sa'alu. Comment on fait du'a? Allah, il a répondu. Il a répondu au prophète sallam et au sahaba. Wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib, je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Subhanallah al-azim. Fa hadhihi c'est les conditions de du'a. Et on va citer maintenant l'an mawani' ad-du'a. Des choses qui font que Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte pas ton du'a. Des choses qui font qu'Allah n'accepte pas de du'a. Parmi les choses qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte pas de du'a, c'est al-akl wa al-sharab wa al-malabis al-muharrama. Mathalan, une personne mange, à boire, à s'habiller avec des choses haram. À manger avec de l'argent haram. À boire avec de l'argent haram. À s'habiller avec de l'argent haram. Ces choses qu'il a fait, c'est une cause pour qu'Allah il accepte pas son du'a. Comme c'est venu dans le hadith, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram yad'u ya rab fa anna yastajab lahu fa anna yastajab lahu. Donc هذا c'est une asbab عدم الاستجابه. Wa min asbab mawani' ad-du'a, c'est que tu ne fais pas de du'a. Enfin, si une personne ne fait pas de du'a, Allah il va pas lui donner. Parce qu'Allah dit fa wa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Si tu fais du'a, Allah il va te donner. Si tu fais pas, Allah il va pas te donner. Demande à Allah, il va te donner. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah il donne sans compter, subhanahu. Allah, cette dunya, elle vaut rien pour lui. Hadihi, cette dunya pour Allah, elle vaut rien pour Allah. C'est pour ça que celui qui lit le Coran, il va voir que souvent Allah, il haqqa hadihi dunya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lah. Dis le Coran. Allah, c'est venu dans le hadith sahih, qui est le sahih de majmou' turuqih, comme quoi Allah la'ana dunya. Wa man fiha illa dhikra Allah. وعالم ومتعلم. الآن on va citer أوقات الإجابة. Les temps où Allah subhanahu wa ta'ala il accepte le dua. Parmi ces temps, ces moments où Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua, يعني Allah accepte le dua souvent, tout le temps. Lakin il y a des temps qui sont où Allah il accepte plus le dua. Parmi ces temps, il y a في ثلث الأخير من الليل. Le troisième tiers de la nuit. Au tiers de la nuit. Comme c'est mis dans le hadith an Abi Huraira, fi Sahih Muslim, an Allah dit man yad'uni fa astajibu lahu. Wa hakadha man yastaghfiru li fa astaghfiru lahu. Man yastaghfiru li fa'afiru lahu. Wa hakadha. Fa hadha fi hadha al-hadith, Allah il dit que celui qui me demande à cette heure-là, thuluth al-layl, Allah lui répond, comme c'est mis dans le hadith an Abi Huraira, fi Sahih Muslim. Wa kadhalik بين الأذان والإقامة كم سيبني ذو الحديث عن أنس بن مالك في صحيح الترمذي في الترمذي الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة والحديث لحسن حسنه الشيخ الألباني فبين الأذان والإقامة يفو فيغ الدعاء كما الله سبحانه وتعالى يلأكسبت الدعاء أستغلا وكذلك سيبني ذو الحديث عن أبي هريرة كم كوا لا بيرسون كان في السجود كان بروسترني dans sa prière Allah, il est qarib. Comme c'est dans le hadith, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدِ فَأَكْثِرُ الدُّعَى. Tu vois, Al-Nabi s.a.w. nous dit que l'endroit où la personne est plus proche d'Allah, c'est quand elle est prosternée. Et après il nous dit فَأَكْثِرُ الدُّعَى. Yani, faites beaucoup de du'a à ces moments-là. Et il y a plein de moments où les du'a sont acceptés. Hatta, il y a plus de 30 hadiths qui sont venus, bien plus de quarantaine de hadiths où tu as des heures qui sont précises où Allah il accepte le dua. Voilà, on va citer des gens qui ont du'a mustajab, qu'Allah il accepte à des gens plus qu'à d'autres. C'est venu dans le hadith à Nabi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, la turad du'a, ou la turad da'wat thalath, ou thalathatun la turad da'watuhum, minhum al-imam al-adil. Donc trois catégories de personnes qu'Allah il accepte le du'a. Et qu'Allah il accepte toujours le du'a. Minhum al-imam al-adil, le gouverneur juste. Wa minhum as-sa'im hina yaftir, celui qui fait jeûne quand il vient pour couper son jeûne. Wa minhum da'watul madloum. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad il a dit Yaman, qu'est-ce qu'il lui a dit? Wattaqi da'wat al-madloum. Fais attention au da'wat de la personne opprimée. Enfin, la personne, quand elle est opprimée, il a le du'a al-mustajab. Allah, il accepte le du'a à la personne opprimée. C'est pour ça que le musulman, il fait attention de faire de l'injustice. Qala an-nabi sallam, iyyakum adh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumat yawm al-qiyam. Fait l'insan, il fait très très attention au dhulm. Et Allah dit dans le hadith al-Qudsi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi. Allah, il interdit. Il s'est interdit à lui-même de faire le dhulm. Subhanah. Et il dit, fa waja'altuhu baynakum muharrama, fa la tadhalam. وكذلك من الناس الذين عندهم الدعاء المستجابة الوالد لولده le père qui fait du'a pour son fils. فهذا le père qui fait du'a pour son fils, Allah il accepte du'a plus qu'à d'autres. وكذا le fils pour son père. Quand je dis son père, c'est de manière générale. Mais si la mère a fait du'a, كذلك الدعاء المستجاب. مثلا si la fille a fait du'a pour son père. والعكس بالعكس تماما et vice versa. Comme c'est venu dans le hadith, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنهم ولد صالح يدعو له. Hadith est dans Sahih Muslim. وكذلك من الدعاء المستجابة الدعاء لأخيك. Tu fais du'a pour ton frère musulman. في ظهر الغيب. Tu fais du'a pour ton frère musulman en cachette. C'est venu dans le hadith comme quoi il y a un malak. Malak il vient, un ange, il dit ولك مثله. Tu fais du'a pour ton frère et un ange qui vient et qui dit « la kamithlum ». C'est pour ça que Yaqul Shikh al-Utaymin fi sharh Riyad al-Salihin que certains salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils voulaient une chose, eh ben, ils faisaient du'a pour son frère. Maintenant, il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne du ilm. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait « Ya Allah, donne du ilm à Fulan, à un tel ». Pourquoi? Comme ça, il y a le malak qui vient et dit « la kamithlum ». Comme ça, Allah il lui donne. « Fanta la tabkhal ». Fais le du'a pour les musulmans. Fais le du'a pour ikhwanik les musulmans. Ou hakada. Ou la tabkhal. Ne sois pas avare dans ça. Le hadith il est venu dans Sahih Muslim. Hadith Abid Darda. قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك لك مثله. Hadith صحيح في Sahih Muslim. نعم. وأخيرا نذكر certaines erreurs que certaines personnes y font. Kathir min al-aba ou al-umahat, ils font du'a sur leurs enfants. Si son fils il fait une bêtise, il va faire du'a sur lui. Hada, c'est la yajouz. Hada, tu te fais du mal à toi-même. Quand tu fais du'a contre ton fils, tu fais du mal à toi-même. Car ça se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond à ton du'a, et puis après, ça va être toi qui va être. Yani, ça va te faire du mal à toi en premier. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Il a interdit aux parents de faire des du'a contre leurs enfants. Enfin, la meilleure chose à faire quand واحد, Allah il l'abtala d'avoir des enfants qui font hakada, ils font des bêtises, ils ne l'écoutent pas, ils font des désobéissances. La meilleure chose à faire c'est que tu fais du'a pour lui. Taqul Allahumma hdi fulan. Tu fais du'a pour lui qu'Allah yahdi, qu'Allah il le guide. Ça, c'est la meilleure chose à faire. نعم وكثير هذا سي معروف والواقع يشهد بذلك beaucoup de personnes ont fait du'a pour leurs enfants et après ils ont regretté فانتبه أيها المسلم que تترك أو que تدعو على أولادك لا تدعو على أولادك même si tu es énervé قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب تتوضا وهكذا وترك هذا الكلام لأن هذا الكلام غير سديد هذا سي mauvaise parole et Allah nous a ordonné de dire de bonnes paroles وقولوا للناس حسنا فقال الله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فالمسلم ينتبه كي سور دي سا بوش ولا تنسى ان الملائكة يكتبون فلا تدعو على اولادك في با دعاء كونتر تي انفون في دعاء بور تي انفون كالله يليكيد كالله يحفظهم وهكذا كالله يوفقهم ولا تدعو عليهم لان سا ريسك دو تفير دو مال اي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم لو انتردي دو فير دعاء على اولادنا. ومن الاخطاء كثير من الناس يذهبون الى القبور. Beaucoup de gens ils vont voir les tombes, ils vont voir les morts et ils demandent dua aux morts. وهذا خطير جدا. هذا خطير جدا. Et certains ils vont faire dua à des personnes qui sont pas présentes. مثلا il va lever ses mains, il va dire يا سيدي فلان, même si cette personne est vivante, il va faire dua à une personne qui est pas présente. هذا c'est du shirk. هذا حرام. هذا شرك. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز تدعوا الأموات. وهكذا certains مثلا يذهبون يحجون, ils vont voir le قبر النبي صلى الله عليه وسلم, ils font dua. يا رسول الله, يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah nous a ordonné de l'appeler lui quand on a besoin de quelque chose. Il n'a pas dit ادعوا النبي صلى الله عليه وسلم. Si ça serait permis, Allah nous aurait ordonné de le faire. Et si ça serait permis d'appeler les morts, la meilleure personne sur terre, la meilleure créature d'Allah, c'est qui? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, ils n'allaient pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a qui? Il y a Abu Bakr. Abu Bakr, c'est la meilleure personne de cette communauté. Après lui, il y a Omar. Après lui, il y a Uthman. Après lui, il y a Ali. Wahakada. Est-ce que les sahaba, quand ils avaient des problèmes, ils allaient voir Hawla et sahaba? Là, ils n'allaient pas voir les sahaba. Ben, le contraire, ils interdisaient de faire cette chose. Et Allah nous a interdit dans le Coran. Et Allah nous a dit que si on a besoin de quelque chose, on appelle lui tout seul. Enfin, nahnu, il faut qu'on appelle Allah tout seul. Car Allah, il est Qadir. Wahoula, ils sont à moite. Ils sont morts. Hatta la personne, quand elle est morte, c'est qui s'occupe de lui, de laver? C'est les gens. Pourquoi? Ça prouve que cette personne, elle est incompétente. Parce qu'elle est morte. C'est juste un jisme que tu vois. C'est un corps que tu vois. Amma, son âme, elle est plus là. Le corps, il n'est pas capable de s'enterrer tout seul. Comment ça peut venir dans ta tête qu'il est capable de te répondre alors que lui-même, il n'est même pas capable de se rentrer dans la tombe tout seul? C'est obligé qu'une personne le prend et l'enterre. Ça prouve que cette personne est incompétente. Il y a une chose que tu vas voir les qubur ou t'ad'ou al qubur. C'est haram ou c'est shirk akbar. Si tu crois que ils font yatasarrafoun fil kawn, هؤلاء هذا سيشرك أكبر والعياذ بالله. وكذلك كثير من الناس يفون دعاء en groupe comme on a cité tout à l'heure. هذا c'est une bid'a. المفتي سماحة الشيخ ابن باز أفتى أن هذا بدعة. وكذلك الشيخ الألباني وكذلك الشيخ العثيمين بكل علماء. car les Sahaba jamais ils l'ont fait. Jamais il y a un hadith qui est venu où les sahaba, après la prière, ils se rassemblaient, ils faisaient du'a en groupe. Là. Al-asl fi du'a, c'est l'infirat. Hada huwa al-asl. Fanta, si tu veux faire du'a, fais tout seul. Et nous, on a cité tout à l'heure que yajouz fi salat l'istisqa. Pourquoi? Parce que le dalil, il est venu. La preuve, le hadith, il est venu, on fait. Amma, de faire en groupe, il n'y a pas de hadith qui est venu, donc on laisse. On ne fait pas. Wahakada. Et certaines personnes, wahada, souvent ça vient. Min kibal soufiya, la secte des soufis. Qu'est-ce qu'ils font à la soufiya? Ils font du'a, mais ils font pas d'asbab. Ils vont demander à Allah, ya Allah, rizqni. Ils restent chez lui toute la journée. Là, hada khata. Tu dois faire le sabab. Quand ils vont faire du'a, ya Allah, rizqni waladan, il est chez lui. Là, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te répond, fais l'asbab. Tu veux le risque, fais l'asbab. Quand tu veux qu'Allah il donne des enfants, fais l'asbab. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse rentrer au paradis? Fais l'asbab. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège? Fais l'asbab. Wahakada, tu veux qu'Allah te guérit? Fais l'asbab. Fatad'u Allah, prends les médicaments. Falabud an ta'amal l'asbab. Wahunak ta'ifatun ukhra, min al-sufiyya. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, on n'a pas besoin de faire du'a. Limada? Pourquoi on n'a pas besoin de faire du'a? Ils ont dit parce que Allah, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Donc si Allah, il sait ce qu'il y a dans notre cœur, on n'a pas besoin de lui demander parce qu'Allah, il sait ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Ah, dans le monde, comment ils ont réfléchi? En voyant comment Shaitan il leur a fait montrer al-batil comme si c'était un haq. Enfin, Allah il nous a ordonné de faire dua, donc on fait dua. Même si lui, subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il a dans le cœur, on doit faire dua. فَتَدْعُوا اللَّهِ أَنْ يَرْزُقُكُ وَهَكَذَا تَدْعُوا اللَّهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَا بَسْ فَتَدْعُوا اللَّهِ كِي بْدَنْ لِتْرُكْ فِي الدُّنْيَا لَا بَسْ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا لَا بَسْ تَدْعُوا اللَّهِ كِي بْدَنْ فِي الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ فالمسلم il doit faire attention, il doit pas oublier de faire des dua pour qu'Allah il lui donne fil akhir. فَأَنْ تَدْعُوا اللَّهِ كَاللَّهِ يَتْفِرَ أَنْتْخُوا بَرَدِي مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ فَادْعُوا اللَّهِ دَائِمًا في صلاتك وادعو الله في سجودك كالله سبحانه وتعالى يتفير انتخل بغدي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى الآية فادعو الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة وادعو الله كالله يسوى ساتسفتوا وادعو الله سبحانه وتعالى كي تبروتاج كي تبروتاج تفامي et qui protège Walidaïk. Daïman, tu fais des du'as pour Walidaïk. Ou de faire du'a pour les parents, c'est une sifat al-anbiya. Enfin, l'anbiya, ils font souvent du'a pour leurs parents, à condition qu'ils sont musulmans. Et s'ils ne sont pas musulmans et ils sont vivants, fa, il y a juste que tu fais du'a qu'Allah les guide. Comme c'est venu dans Qissat Abi Huraira. Sa mère, elle était kafira. Il a demandé au Nabi Sassim qu'il fait du'a. Le Nabi Sassim l'a fait du'a après se convertir à l'islam. Amma, si ils sont morts et ils sont kofar, là il y a juste que tu fais du'a. Amma, si ils sont musulmans, fais du'a pour eux. Ad'ou. Allah nous parle de nous dans le Coran. Qal, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'mina wa li mu'mina wa li mu'minat. Andor, Nuh il a fait du'a pour ses parents. Fa al-muslim yambaghi an yad'ou da'iman. Da'iman. Wa adhan bi hadha al-qadri kifaya. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واسال الله ينفعنا بما قلنا والله المستعان